Lecture d'enfance. Toute cette semaine, Lecture d'enfance vous emmène dans le monde d'Oscar Wilde, des contes extraits du recueil Le Prince Heureux, diffusé pour la première fois dans la collection du Pince-Oreille. Les histoires du Pince-Oreille. Conte d'Oscar Wilde, proposé par Dominique Jaïr, réalisé par Anne Lemaître. L'enfant de l'étoile, traduit par Léo Lac aux éditions Gallimard, lu par Denise Jans. Il était une fois deux pauvres bûcherons qui, pour rentrer chez eux, traversaient une grande forêt de pins. C'était l'hiver, une neige épaisse recouvrait le sol et les branches des arbres. Il faisait affreusement froid, et ils crurent avoir perdu leur chemin. Une grande terreur s'empara d'eux, car ils savaient que la neige est cruelle à qui s'endort dans ses bras. Mais ils s'abandonnèrent au bon Saint-Martin qui veille sur les voyageurs, et revenant sur leurs pas, ils marchèrent avec prudence et parvinrent enfin à la lisière de la forêt. Ils étaient si heureux d'être sains et saufs qu'ils se mirent à rire tout haut. Mais, quand leur rire se fut éteint, ils s'attristèrent, car leur pauvreté leur revint à l'esprit, et l'un d'eux dit à l'autre « Pourquoi nous sommes-nous réjouis, puisque la vie est pour les riches, et non pour des gens tels que nous ? Il eût mieux valu mourir de froid dans la forêt ou tomber sous la dent d'une bête féroce. » Et tandis qu'ils déploraient leur misère, survint une étrange chose. Il tomba du ciel une belle et brillante étoile. Il leur parut qu'elle tombait derrière un bouquet de saules, tout près d'une petite bergerie qui ne se trouvait qu'à quelques pas de là. Un objet se détachait sur la blancheur de la neige. C'était un manteau tissé d'or, curieusement brodé d'étoiles et maintes fois replié. Mais là, s'il ne s'y trouvait ni or, ni argent, ni trésor d'aucune sorte, il n'y avait là qu'un petit enfant endormi. Et l'un d'eux dit à l'autre « Voilà qui met une triste fin à nos espoirs, et nous n'avons guère de chance, car de quel profit un enfant est-il pour un homme ? Laissons-le ici, et poursuivons notre chemin, puisque nous sommes pauvres et avons nos propres enfants. » Mais son compagnon lui répondit « Non, non, laisser l'enfant périr ici, dans la neige, serait une mauvaise action. » Et bien que je sois aussi pauvre que toi, et que j'ai bien des bouches à nourrir et peu de choses dans la marmite, je vais l'emporter chez moi, et ma femme en prendra soin. » Quand sa femme ouvrit la porte et vit que son mari lui revenait sain et sauf, elle lui mit les bras autour du cou et l'embrassa, le débarrassa des fagots qu'il portait sur le dos, ôta la neige de ses bottes et l'invita à entrer. Mais il lui dit « J'ai trouvé quelque chose dans la forêt, et je te l'ai apporté, pour que tu en prennes soin. » « Qu'est-ce donc ? » s'écria-t-elle. « Montre-le-moi, car la maison est dépourvue et nous avons besoin de bien des choses. » Et, écartant le manteau, il lui montra l'enfant endormi. « Hélas, mon homme, n'avons-nous pas nos propres enfants que tu doives apporter cet enfant mystérieux à notre foyer ? Et comment l'élèverons-nous ? Et qui sait s'il ne nous portera pas malheur ? » ?»« Non, non, car c'est un enfant tombé d'une étoile, » répondit-il. L'âpre vent de la forêt entra par la porte ouverte, et frissonnant, elle lui dit « Ne veux-tu pas fermer la porte ? Un vent glacé entre dans la maison et j'ai froid. » « Dans une maison où se trouve un cœur dur, n'entre-t-il pas toujours un vent glacé ?» Mais, sans mot dire, la femme se glissa près du feu. Au bout d'un instant, elle se retourna, et les yeux pleins de larmes, regarda son mari. Il entra vivement et lui mit le bébé dans les bras. Elle l'embrassa et le coucha dans un petit lit où reposait déjà le plus jeune de leurs enfants. « Le lendemain matin, le bûcheron prit le curieux manteau d'or, il le rangea dans un grand coffre et sa femme y joignit un collier d'ambre que l'enfant portait au cou. C'est ainsi que l'enfant de l'étoile fut élevé avec les enfants du bûcheron, s'assit à la même table et fut leur compagnon de jeu. Et chaque année, il devenait de plus en plus beau. Mais sa beauté ne lui valut rien de bon, car il devint vaniteux, égoïste et cruel. Il méprisait les enfants du bûcheron et les autres enfants du village, disant qu'ils étaient de basse naissance, tandis qu'il était noble, étant né d'une étoile. Et il s'érigea en maître et les nomma ses serviteurs. Le bûcheron et sa femme le grondaient souvent et disaient « Nous ne t'avons pas traité comme tu en uses avec les pauvres abandonnés qui n'ont personne pour les secourir. Pourquoi donc es-tu si cruel envers tous ceux qui ont droit à la pitié ?» Mais l'enfant de l'étoile ne prêtait aucune attention à ces paroles. Il fronçait le sourcil, prenait un air moqueur, retournait vers ses compagnons et régnait sur eux. Et ceux-ci le suivaient, car il était beau, rapide à la course et savait danser et jouer du pipeau et composer de la musique. Partout où les conduisait l'enfant de l'étoile, il le suivait. Et tout ce que leur ordonnait de faire, l'enfant de l'étoile, il le faisait. Et quand il crevait d'un roseau pointu les faibles yeux de la taupe, il riait. Et quand il jetait des pierres aux lépreux, il riait encore. Il les gouvernait en toutes choses. Et leur cœur devint aussi dur que le sien. Or, un beau jour, passa dans le village une pauvre mendiante. Ses vêtements tombaient en lambeaux, ses pieds saignaient tant la route qu'elle avait parcourue était rude. Épuisée, elle s'assit sous un châtaignier pour prendre un peu le repos. Mais dès que l'enfant de l'étoile l'aperçut, il lui jeta des pierres et se moqua d'elle. Elle le dévisagea avec une expression de terreur, sans le quitter des yeux un seul instant. Quand le bûcheron qui coupait des bûches à l'entrée du bois, non loin de là, vit ce que faisait l'enfant de l'étoile, il courut le réprimander et lui dit « Tu as le cœur bien dur et ne connais point la pitié. Quel mal cette pauvre femme t'a-t-elle fait pour que tu la traites ainsi ?» L'enfant de l'étoile, rougi de colère, se mit à taper du pied. « Qui donc es-tu pour m'interroger sur ce que je fais? Je ne suis pas ton fils pour t'obéir ainsi !» Tu dis la vérité, mais je t'ai pourtant témoigné de la pitié quand je t'ai trouvé dans la forêt. » Quand la mendiante entendit ces mots, elle poussa un grand cri et s'évanouit. Le bûcheron la transporta jusqu'à sa maison. Sa femme en prit soin, et quand elle sortit de son évanouissement, ils placèrent devant elle de quoi manger et boire, et l'invitèrent à se restaurer. Mais elle ne voulut ni manger ni boire, et demanda au bûcheron « N'as-tu pas dit que l'enfant fut trouvé dans la forêt. Et cela ne fait-il pas 10 ans aujourd'hui? N'avait-il pas au cou un collier d'ambre? N'était-il pas enveloppé d'un manteau tissé d'or et brodé d'étoiles? En vérité, il en est bien ainsi. » Et sortant du coffre le manteau et le collier d'ambre, il les lui montra. Lorsqu'elle les vit, elle pleura de joie. « C'est mon petit garçon que j'ai perdu dans la forêt. Je t'en prie, envoie le chercher tout de suite, car j'ai erré dans le monde entier à sa recherche. » Le bûcheron et sa femme appelèrent l'enfant de l'étoile. « Va dans la maison, tu y trouveras ta mère. » L'enfant entra en courant, surpris et rayonnant. Mais quand il vit celle qui l'attendait, il rit avec dédain. « Mais où est ma mère ? Je ne vois là qu'une ville mendiante. » Et la mendiante lui répondit « Je suis ta mère. Tu es folle de parler ainsi. Je ne suis pas ton fils. Tu es une mendiante et tu es laide et en haillons. Va-t'en donc d'ici que je ne vois plus ta hideuse face. » « Non, non, tu es vraiment mon petit garçon à qui j'ai donné naissance dans la forêt. Les voleurs t'ont pris à moi et exposé à la mort. Mais je t'ai reconnu dès que je t'ai vu. Et j'ai aussi reconnu les signes, le manteau tissé d'or et le collier d'ambre. Viens avec moi, je t'en supplie, car j'ai erré dans le monde entier à ta recherche. Viens avec moi, mon fils, car j'ai besoin de ton amour. » « Si, en vérité, tu es ma mère, il eût mieux valu rester au loin et ne pas venir ici m'humilier. Car je me croyais le fils d'une étoile et non celui d'une mendiante, ainsi que tu le dis. Va-t'en donc d'ici, que je ne te vois plus. » Hélas, mon fils, ne m'embrasseras-tu pas avant que je ne parte, car j'ai beaucoup souffert pour te trouver. Non, tu es trop repoussante à regarder. J'aimerais mieux embrasser la vipère ou le crapaud. La femme alors se leva et s'en alla dans la forêt, pleurant amèrement. Et quand l'enfant de l'étoile vit qu'elle était partie, il se réjouit et retourna en courant vers ses compagnons pour partager leur jeu. Mais quand ils le virent venir, ils le raillèrent et dirent « Va-t'en, tu es aussi repoussant que le crapaud et aussi hideux que la vipère. Va-t'en d'ici, nous ne te permettrons pas de jouer avec nous. » Et ils le chassèrent du jardin. L'enfant de l'étoile fronça le sourcil. Il alla jusqu'à la source et s'y mira. Sa face était celle d'un crapaud et son corps écailleux, celui d'une vipère. Se laissant tomber sur l'herbe, il pleura. Cela vient sûrement de mon péché, car j'ai renié ma mère et l'ai chassée. J'ai été vaniteux et cruel à son égard. J'irai donc la chercher dans le monde entier et n'aurai de repos qu'après l'avoir trouvée. Il courut donc jusqu'à la forêt et appela sa mère, mais il n'eut point de réponse. Il l'appela tout le long du jour, et quand le soleil se coucha, il s'étendit pour dormir sur un lit de feuilles. Les oiseaux et les animaux le fuirent. Il se rappelait sa cruauté. Il resta seul, si ce n'est le crapaud qui l'observait et la vipère qui rampait près de lui. À l'aurore, il se leva et reprit son chemin dans l'immense forêt. Il demandait à toutes les créatures qu'il rencontrait si elles n'avaient vu sa mère. Il dit à la taupe « Tu peux aller sous la terre, dis-moi, ma mère n'y est-elle pas ?» Et la taupe répondit « Tu m'as crevé les yeux, comment le saurais-je » Il dit au lino « Tu peux voler au-dessus des grands arbres et voir le monde entier. Dis-moi, ne peux-tu voir ma mère ?» Le lino répondit « Pour ton plaisir, tu as rogné mes ailes. Comment pourrais-je voler ?» Et au petit écureuil qui vivait seul dans le sapin, il dit « Où est ma mère ?» L'écureuil répondit « Tu as tué la mienne. Veux-tu donc tuer aussi la tienne ?» Et l'enfant de l'étoile pleura et baissa la tête. Le troisième jour, il parvint à l'extrémité de la forêt et descendit dans la plaine. Quand il traversait les villages, les enfants se moquaient de lui et lui jetaient des pierres, et les paysans refusaient de le laisser dormir dans leurs étables, tant il était repoussant à voir. Pendant 3 ans, il erra de par le monde, un monde où il n'y eut pour lui ni amour, ni miséricorde, ni charité. Mais c'était le monde qu'il s'était créé au temps de son orgueil. Un soir, là, les pieds ensanglantés, il parvint aux portes d'une cité aux solides murailles et située au bord d'une rivière. Les soldats qui montaient la garde barrèrent l'entrée de leur hallebarde et lui dirent d'une voix rude « Que viens-tu faire ici ?»« Je cherche ma mère. Il se peut qu'elle soit dans cette ville. » « En vérité, ta mère ne se réjouira point en te voyant. » Car tu es plus déshérité que le crapaud de la mare ou que la vipère qui rampe dans les marécages. Va-t'en ! Va-t'en ! Ta mère n'habite pas ici. » Et comme il se détournait en pleurant, un soldat s'avança et demanda qui était celui qui avait tenté d'entrer. « C'est un mendiant, fils d'une mendiante, et nous l'avons chassé. » « Non, non, nous vendrons cet objet d'horreur comme esclave, et son prix sera celui d'un bol de vin doux. » Et un vieillard au visage cruel qui passait près de là s'écria « Je l'achète à ce prix. » Et quand il eut payé le prix, il saisit la main de l'enfant de l'étoile et l'emmena dans la ville. L'enfant se retrouva dans un cachot, éclairé par une lanterne de corne. Le lendemain matin, le vieillard, qui était en réalité le plus habile des magiciens de Libye, lui dit « Dans ce bois voisin de cette ville, il y a 3 pièces d'or. L'une est d'or blanc, une autre d'or jaune, et l'or de la 3e est rouge. Aujourd'hui, tu m'apporteras la pièce d'or blanc, et si tu ne l'apportes pas, je te donnerai 100 coups de fouet. Va vite !» Et au coucher du soleil, je t'attendrai à la porte du jardin. » L'enfant de l'étoile franchit les portes de la ville et arriva au bois dont lui avait parlé le magicien. Ce bois était très beau et paraissait plein d'oiseaux chanteurs et de fleurs parfumées. L'enfant de l'étoile y pénétra avec bonheur. Mais il ne tira pas grand bien de cette beauté, car partout où il allait, des églantiers sauvages et des épines s'élançaient hors du sol et l'entouraient. De cruelles orties le piquaient, le chardon le perçait de ses dagues, et il était au désespoir. Quand il eut atteint la lisière du bois, il entendit monter d'un fourré un cri de douleur. Oubliant son propre chagrin, il courut vers le fourré et vit un levreau pris dans un piège, tendu par quelques chasseurs. L'enfant de l'étoile eut pitié de lui, le libéra et lui dit « Je ne suis qu'un esclave, mais je puis encore te rendre la liberté. » Le levreau lui répondit « Certes, tu m'as rendu la liberté, mais que te donnerai-je en retour ?» L'enfant lui dit « Je suis à la recherche d'une pièce d'or blanc, mais je ne puis la trouver, et si je ne la rapporte pas à mon maître, il me battra. » « Viens avec moi, dit le levreau, et je te la montrerai, car je sais l'endroit où elle est cachée. » L'enfant de l'étoile suivit le levreau, et voici que, dans la fente d'un grand chêne, il vit la pièce d'or blanc qu'il cherchait. Plein de joie, il la saisit et dit au levreau, « L'aide que je t'ai prêtée, tu me l'as plusieurs fois rendue, et la bonté que je t'ai montrée, tu m'en as récompensée au centuple. » Non, non, répondit le levreau, mais ainsi que tu as agi envers moi, j'ai agi envers toi. Puis il disparut en courant, et l'enfant de l'étoile s'en revint vers la ville. À la porte de la cité, un lépreux était assis. Sa face était cachée par un capuchon de toile grise, et à travers les trous ménagés pour qu'il pût voir, ses yeux luisaient comme des charbons ardents. Quand il vit venir l'enfant de l'étoile, il frappa sur son écuelle de bois, agita sa clochette. « Donne-moi quelque argent, sinon je mourrai de faim, car on m'a chassé de la ville, et personne n'a pitié de moi. Hélas, je n'ai qu'une pièce dans ma bourse, et si je ne la rapporte pas à mon maître, il me battra, car je suis son esclave. » Mais le lépreux le pria, le supplia, jusqu'à ce que l'enfant de l'étoile, pris de pitié, lui donna la pièce d'or blanc. Et quand il arriva à la maison du magicien, celui-ci lui ouvrit et dit « As-tu la pièce d'or blanc ?»« Je ne l'ai point. » Et le magicien se précipita sur lui et le battit. Puis il mit devant lui une assiette vide et dit « Mange !» Et une tasse vide et dit « Bois !» Et le rejeta dans le cachot. Le lendemain matin, le magicien vint à lui et dit « Si tu ne m'apportes pas aujourd'hui la pièce d'or jaune, je te garderai comme esclave et te donnerai 300 coups de fouet. » L'enfant de l'étoile partit pour le bois et tout le long du jour, il chercha la pièce d'or jaune, mais nulle part il ne put la trouver. Au coucher du soleil, il s'assit et se mit à pleurer. Tandis qu'il pleurait, vint à lui le petit lièvre qu'il avait arraché au piège. Et le levrault lui dit « Pourquoi pleures-tu et que cherches-tu dans le bois ?»« Je cherche une pièce d'or jaune qui s'y trouve cachée. Et si je ne la découvre, mon maître me battra et me gardera comme esclave. »« Suis-moi. » Le lièvre se mit à courir à travers le bois jusqu'à ce qu'il parvint à une mare. Au fond de la mare, gisait la pièce d'or jaune. « Comment te remercier ? C'est la seconde fois que tu viens à mon aide. »« Non, non, tu as eu pitié de moi le premier. » Et le lièvre disparut en courant. L'enfant de l'étoile prit la pièce d'or jaune, la mit dans sa bourse et se hâta vers la ville. Mais le lépreux le vit venir. Il courut à sa rencontre et s'agenouilla en s'écriant « Donne-moi quelque argent, sinon je mourrai de faim. » L'enfant lui dit « Je n'ai dans ma bourse qu'une pièce d'or jaune, et si je ne la rapporte à mon maître, il me battra et me gardera comme esclave. » Mais le lépreux l'implora si bien que l'enfant de l'étoile, pris de pitié, lui donna la pièce d'or jaune. Et quand il arriva à la maison du magicien, celui-ci lui ouvrit. « As-tu la pièce d'or jaune ?»« Je ne l'ai point. » Le magicien se précipita sur l'enfant, le battit et le rejeta dans le cachot. Le lendemain matin, le magicien lui dit « Si tu m'apportes aujourd'hui la pièce d'or rouge, je te rendrai la liberté. Si tu ne me l'apportes point, je te tuerai. » L'enfant de l'étoile partit pour le bois et tout le long du jour chercha la pièce d'or rouge. Mais nulle part il ne put la trouver. Au crépuscule, il s'assit et se mit à pleurer. Et tandis qu'il pleurait, vint à lui le petit lièvre. « La pièce d'or rouge que tu cherches est dans la caverne qui se trouve derrière toi. Sèche donc tes larmes et réjouis-toi. »« Comment te remercier ? C'est la troisième fois que tu me viens en aide. »« Non, non, tu as eu pitié de moi le premier. » Et le lièvre disparut en courant. Et l'enfant de l'étoile entra dans la caverne, mit la pièce dans sa bourse et se hâta vers la ville. Le lépreux, le voyant venir, se mit au milieu de la route et l'appela. « Donne-moi la pièce d'or rouge, sinon je mourrai. » L'enfant de l'étoile eut encore pitié de lui, lui donna la pièce d'or rouge en disant « Ta misère est plus grande que la mienne. » Son cœur était lourd, car il savait le sort cruel qui l'attendait. Mais lorsqu'il franchit les portes de la ville, voici que les gardes s'inclinèrent sur son passage et lui rendirent hommage en disant « Que notre maître est beau !» Et une foule de citadins le suivirent, s'écriant « Personne n'est aussi beau dans le monde entier !» Et l'enfant de l'étoile, en pleurant, se dit « Il se moque de moi !» et font peu de cas de ma peine. La grille du palais s'ouvrit, et les prêtres et les grands dignitaires de la ville vinrent à sa rencontre, lui rendirent hommage et dirent « Tu es le maître que nous attendions, et le fils de notre roi. » Et l'enfant de l'étoile répondit « Je ne suis pas le fils d'un roi, mais celui d'une pauvre mendiante. Et comment pouvez-vous dire que je suis beau quand je suis, je le sais, affreux à voir ? J'ai renié ma mère qui m'a donné le jour, et je n'aurai de repos avant de l'avoir retrouvée et obtenu son pardon. Laissez-moi donc partir, car il me faut errer de nouveau par le monde. » Je ne puis m'attarder ici. » Tout en parlant, il tourna son regard vers la rue qui conduisait aux portes de la ville. Et voici que, parmi la foule qui se pressait autour des soldats, il aperçut la mendiante, qui était sa mère, et à son côté, se trouvait le lépreux qu'il avait vu assis sur la route. Un cri de joie s'échappa de ses lèvres. Traversant la place en courant, il s'agenouilla et baisa les pieds de sa mère qui était couverts de plaies et les arrosa de ses larmes. « Mère, je t'ai donné la haine, donne-moi l'amour. Mère, je t'ai rejetée. Reçois maintenant ton enfant. » Mais la mendiante ne dit mot. Il tendit alors les mains et étreignit les pieds blancs du lépreux et lui dit « 3 fois je t'ai montré de la pitié. Dis à ma mère qu'elle me parle une seule fois. » Mais la mendiante ne dit mot. Alors de nouveau, il dit « Mère, ma souffrance est au-dessus de mes forces. Donne-moi ton pardon et laisse-moi retourner vers la forêt. » La mendiante lui mit la main sur la tête et lui dit « Relève-toi. » Le lépreux lui mit la main sur la tête et lui dit « Relève-toi. » Il se releva et les regarda. « Oh ! Que vit-il ? » Un roi et une reine étaient devant lui. Et la reine lui dit « Voici ton père que tu as secouru. » Et le roi lui dit « Voici ta mère dont tu as arrosé les pieds de tes larmes. » Et ils se jetèrent à son cou et l'embrassèrent. Puis ils le firent entrer au palais, le vêtirent de beaux atours, lui mirent la couronne sur la tête, le sceptre dans la main. Et il régna sur la ville située au bord de la rivière. Il témoigna à tous beaucoup de justice et de bonté. Il envoya au bûcheron et à sa femme de riches présents et combla d'honneur leurs enfants. Il enseigna l'amour, la miséricorde et la charité. Aux pauvres, il donna de quoi manger et se vêtir, et le pays connut la paix et la prospérité. C'était les histoires du Pince-Oreille. Conte d'Oscar Wilde, proposé par Dominique Jaïr. L'enfant de l'étoile, traduit par Léo Lac aux éditions Gallimard, lu par Denise Jans. Prise de son mixage, Jean-Richard Dufour, Serge Ristich. Assistant, Marc-Alexandre Milenvoy. Réalisation, Anne Lemaître. Était remise en ondes par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairy land where no one else could enter. Center, just you and me, dear. My heart beat like a hammer. My arms wound around you tight, and stars fell on Alabama last night. I never planned my imagination situation so heavenly, so heavenly. Fairyland where no one else could enter. In the center, just you and me. Beat like a hammer. Beat like a hammer. My arms wound around you tight. Ba, ba, ba, ba, yeah. And stars fell on out.